Et moi, je ne tweete plus. Et moi, je ne tweete plus. Je n'ai plus rien à gagner, je ne peux plus te récupérer. Et moi, je ne tweete plus. Et moi, je ne tweete plus. Tu ne lis plus ce que j'écris, tu as une nouvelle vie. Thank you.